Peut-être que vous nous écoutez en faisant la cuisine, en mangeant. Peut-être que vous ne faites ni l'un ni l'autre, mais je suis certain de vous avoir donné faim. On ne peut pas faire plus organique que la nourriture. Alors, quand il s'agit de trouver un dénominateur commun à toute l'humanité, il faut regarder notre assiette. Bonjour. Qu'est-ce qui nous réunit vraiment tous ? Qu'est-ce qu'on a réellement en commun dans la culture de 2020 ? Les films ? Bah non, tout le monde n'est pas cinéphile, même la musique. Certains ne s'y intéressent pas plus que ça. Les séries, les jeux vidéo, le stand-up, bien sûr, ça branche la majorité des gens, nous les premiers, à contre-soirée, mais ça ne rejoint pas 100% de la population. Même Internet, même les réseaux sociaux qui sont partout laissent indifférents et rebutent encore un paquet de gens. Mais plus que les films, plus que la littérature, plus même que le langage, le plus grand dénominateur commun, aujourd'hui, c'est qu'on mange tous. Entre les croyants qui jeûnent, les motivés qui font un régime, les intolérants à l'arachide qui ne mangent pas d'arachide, les restauratrices, les véganes, les membres de Pinterest, les Instagrammeurs cooking, les nutritionnistes, les poissonnières, les jeunes, les vieux, les gourmands et les vivants, tout le monde bouffe. Et tout le monde s'intéresse de loin ou de près à la nourriture. Les aliments, c'est patrimonial, c'est culturel, c'est naturel. Dans cette contre-soirée, comme d'habitude, on vient comme on est, la vingtaine, la jeunesse, l'insouciance, les contreforts de la vie adulte. On a 20, 25 ans, on a envie de parler de cuisine, ou plutôt de notre rapport culturel et générationnel au verbe manger. On vit en 2020, et en 2020, une recette est accessible en 30 secondes, un plat chaud se commande depuis une appli, les influenceurs influencent et les réseaux sociaux piquent la curiosité de nos papilles. Alors mettez votre serviette, prenez couteau et fourchette, et chaud devant. Contre-soirée. L'émission culturelle de la génération. En direct, tout de suite sur Radio Présence. Et en podcast, où vous voulez, quand vous voulez. Contre-soirée. Un programme présenté par Grégoire Dubois. Bonsoir, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle contre-soirée comme tous les jeudis soirs, une émission participative. 07 68 37 17 18 pour réagir par SMS ou WhatsApp. On lit tous vos messages pendant l'émission, ça peut être aussi sur nos réseaux à CTR Soirée. L'équipe est quasiment réunie. Bonjour Mehdi. Bonsoir Grégoire. Bonsoir, bienvenue. Myriam. Salut les gars. Toujours là. Josué, salut. Salut, bonsoir. Ça va bien ? Ça va, ça va bien, sous la pluie, plusieurs sont venus en vélo, oui. Sous la pluie, et c'est une erreur sans nom. Juliette n'est pas là ce soir. En régie, comme d'habitude, Coraline. Et bonjour. Fidèle réalisatrice, bonjour, merci d'être là. Et Marin, salut. Oui, bonjour. Bonjour, ah là là, les imitations. Marin qui nous revient, qui n'était pas là plusieurs fois, qui ne pourra pas tout le temps être là, mais merci à toi de réaliser le live Twitch. On est en direct, en vidéo, sur twitch.tv/ctrsoirée. On parle de nourriture aujourd'hui. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? Est-ce que vous en souvenez ? C'est un test psychologique que vous n'avez pas prévenu avant. Myriam, qu'est-ce que tu as mangé ? Des pâtes. Des pâtes très brillantes, voilà. Mais voilà. C'est Mehdi ? Alors, un steak végétal, des lentilles et des pâtes. D'accord. Aussi. Oh, alors les pâtes en commun ? Un steak haché et de la semoule. Ouais. Ok, alors on va faire le tour en régie. Un club sandwich et un flan en dessert. Et Marin ? Une salade. Voilà. Healthy, mais plus healthy d'entre nous. Bon bah les pâtes, dénominateur commun effectivement. Et toi Grégoire, tu as mangé quoi ce midi ? Je ne sais plus, je ne m'attendais pas à cette question. Tiens, là, hein. Étrange, non mais j'ai mangé de la saucisse entre autres. C'est très peu intéressant pour nos auditeurs. Ah mais c'est une anecdote saisissante sur ta journée, c'est mais la saucisse ça, ce midi. C'est ça, mais comme ça on aura fait le moment le moins intéressant de contre-soirée ce soir. On l'a fait, c'est bon. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant tout ça va être... Voilà, on parle de bouffe et de rapport sociétal à la cuisine. Tout à l'heure, une invitée, Lauriane Meulière, qui fait du podcast et qui parle de nourriture justement dans un podcast, on l'entendra. En fin d'émission, les recommandations, on commence par nos boutons replay. Pour réagir, poser une question pendant l'émission, on lit tous vos messages envoyés sur nos réseaux ou par SMS au 07 68 37 17 18. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Le bouton replay. Alors le bouton replay où on revient sur quelque chose qui nous a marqué dans notre semaine. Myriam, on va commencer par toi. Tu nous parles de quoi ? Un rappeur ? Un musicien ? Yes, je vous parle d'un rappeur. Je vous parle de NF. De son nom, Nathan... Oh, on va le retrouver, il n'y a pas de souci. Nathan Feuerstein. Bon, il est américain, mais c'est d'où l'hésitation sur le nom. Hein. D'où le sigle NF. D'où le sigle NF, merci beaucoup. Qui est un rappeur donc, qui m'a bien rejoint cette semaine parce que j'étais très fâchée contre un truc et que lui aussi, il sait raconter ce qu'il a vécu, qui est plutôt bien traumatisant dans son enfance. Et en fait, il en parle déjà. Mmh. Et d'ailleurs, un de ses albums s'appelle Therapy Session. Et vraiment comme s'il était chez son psy, et donc il se raconte, il exprime sa colère, et en même temps c'est un rap hyper technique, très très propre. Genre, je comprends tout ce qu'il dit parce qu'il parle, il articule suffisamment. Bon, il rejoint, il y a une grosse inspiration de Eminem, mais autant lui j'accroche vraiment aussi pour ses textes, vraiment ouais. qui m'inspire et tout, et donc ça m'a bien rejoint cette semaine, voilà. Donc NF, vous pouvez le retrouver partout. Super, merci. Mehdi, du cinéma, toi. Du cinéma. Alors, tu nous parles de la reco la semaine dernière. Exactement. T'es allé au cinéma entre temps. Chose promise, chose due. Donc, qu'est-ce que tu as vu ? Je suis allé voir ce film Queen and Slim, qui a été produit par Melissa Matsuka. Ça a été son premier film. Et pour l'instant, nous sommes en février 2020. Et c'est le film qui m'a le plus marqué. Ah, quand même. Ouais. Le résumé, en fait, on est dans l'état d'Iowa. De l'Ohio, oui, aux attention. États-Unis. En fait, à la suite d'un rendez-vous amoureux via Tinder, deux inconnus rentrent l'un chez l'autre et ils vont être contrôlés par un policier à la suite en fait d'un banal contrôle autoroutier, une infraction mineure au code de la route. Il va s'en suivre en fait une escalade de violence suite à l'excès de zèle de ce policier. L'un des acteurs principaux, Daniel Kaluuya, qui a joué dans Get Out, en fait, va réagir. Il sera en position de légitime défense. Alors, petit point de droit français, la légitime défense, c'est vas-y, quoi vas-y. Les conditions, il faut que ce soit nécessaire, faut que la riposte soit nécessaire, proportionnée et concomitante. Alors, peut-être qu'en droit américain, je ne sais pas si c'est la même chose. Et voilà. Et du coup, ils vont... l'altercation va être filmée par la caméra embarquée en fait du policier, et il va s'en suivre une véritable course-poursuite contre eux. Ils vont fuir, ils vont devenir des fugitifs des temps modernes, parce que ils vont être malgré eux symboles de toute une jeunesse aussi. Et voilà, ils vont apprendre à se découvrir au travers de cette fuite, parce que je vous ai dit qu'ils ne se connaissaient pas, dans des circonstances extrêmes, et ils vont tomber amoureux. C'est un très très beau film, ultra moderne, et voilà, donc un film poignant, teinté d'activisme, qui relate aussi tous ces carcans racistes aux États-Unis dans cette société. Et c'est un très bon film. Donc Queen and Slim. Queen and Slim, avec des effets de cinématographie assez novateurs, une bande-son qui est géniale. C'est un thriller dramatique. Pour son premier film, elle a tapé vraiment fort. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film Queen and Slim. Est-ce que tu l'as, dans quel genre de cinéma tu l'as vu ? Est-ce qu'il est bien distribué ? Est-ce qu'il est beaucoup distribué ou juste dans des salles ? Je l'ai vu au Gaumont, et il y a séances, une le matin et une le soir. Il est en VOST, dans une petite salle, donc je suppose qu'il va pas rester longtemps. Mais il est quand même au Gaumont. Ouais. En tout cas, tu parles de Toulouse, c'est mais je pense qu'il est un peu partout. Vas-y. C'est un peu une histoire à la Bonnie and Clyde ou pas tout à fait ? J'ai pas vu Bonnie and Clyde. Là, je crois que c'est un. Je sais que c'est deux meurtriers qui font des méfaits. Hein, alors là, en fait, c'est deux citoyens qui sont en position de légitime défense. Et je vais pas vous en dire plus parce que ça. Il y a quand même un terreau sur lequel on peut s'appuyer politiquement parlant en termes d'activisme où je veux pas prendre parti. Je vais vous laisser aller voir l'œuvre. Mmh. Et voilà, je pense que c'est loin de Bonnie and Clyde. C'est plus ancré dans la réalité de citoyens. La fille qui accompagne, elle est avocate, et l'autre, il est magasinier. Deux personnes placées dans la société, citoyens, pas du tout criminels, et pour autant des citoyens comme toi et moi. Ouais, non, mais c'est vraiment l'intérêt aussi. Ouais. Queen and Slim. Queen and Slim, on ira le voir. Moi, je vous parle de tout autre chose. Est-ce que vous avez entendu parler ces jours-ci, je crois que c'était avant-hier, de la marque d'État ? Alors, ça concerne des visages pas du tout. Muets. Non, c'est normal, c'est pas non plus très médiatique. Ça concerne le gouvernement français et le gouvernement qui a publié cette semaine sa nouvelle charte graphique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charte graphique, déjà pour bien commencer ? C'est un document de nomenclature qui fixe un peu les règles, qui définit précisément les éléments de communication d'une organisation. Ça peut être une entreprise, ça peut être une asso, ça peut être une ONG, ça peut être une institution. Là, ça concerne l'État français. Et ça définit les logos, les icônes utilisées, les slogans, les couleurs précises, les polices d'écriture, la façon d'accentuer ou non les majuscules, la ponctuation, la taille des éléments, enfin tout ça. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi je vous parle de la marque de l'État ? Parce que déjà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une réforme sur la communication au niveau du gouvernement. La dernière, c'était en 99. Donc voilà, ça met un peu de nouveauté. C'est une réforme de grande ampleur pour le quotidien de beaucoup de gens qui travaillent pour beaucoup d'agents publics. Cette réforme, elle va concerner toutes les communications de l'État, donc que ce soit les cartes de visite, les courriers officiels que vous recevez chez vous, le papier des impôts, un papier de la préfecture, un papier pour les élections. Ça concerne tout ce qui est visuel, les affiches, les plaques, les sites web. Tout ce qui est un site web .gouv.fr, ça va être revu avec cette nouvelle charte graphique. Ça concerne aussi les applis, les réseaux sociaux. Donc c'est une réforme d'ampleur. Pour vous donner un exemple, sur Twitter, le gouvernement, avec cette nouvelle charte graphique, demande aux préfets en particulier de renommer tous leurs comptes en mettant... Enfin, leur pseudo, ça devient préfet 07, préfet 12, enfin avec le numéro du département après ce nom-là. Mais c'est pas encore ça, parce qu'il y a beaucoup de comptes qui sont pris sur Twitter déjà par des anonymes, des particuliers. Et donc y a une quinzaine de comptes, j'ai regardé un petit peu sur les 101 départements français qui sont déjà pris. Donc bref, ça va mettre du temps. C'était un petit exemple pour vous donner l'ampleur en fait de cette réforme et le travail que c'est de faire une charte graphique, et surtout une charte graphique pour une organisation aussi grande que, à l'échelle d'un pays quoi, que l'État français. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir les détails, c'est en ligne sur le site du gouvernement. Mais voilà, c'est un bouton replay. Je pense que ça rentre dans la culture quand même, tout ce qui est graphique, éléments graphiques et communication. Et puis c'est l'État français aussi. Et c'est l'État français, donc voilà, ça va nous concerner, on va voir nos papiers changer, etc. Et maintenant, on va revenir dans la musique avec toi, Josué. Alec Benjamin, on en a parlé plusieurs fois déjà dans l'émission. C'est vrai. Et moi, j'aime particulièrement sa musique, vraiment. Je trouve qu'elle est vraiment touchante, posée. Et c'est subtil, ses textes, ils sont bien. Et vraiment poétique, donc j'aime vraiment beaucoup. Et il a fait un nouveau single, qui va probablement sortir avec un nouvel album, parce que c'est le deuxième avec la même pochette d'album, etc. Mmh. Les petits indices qui font qu'on sait qu'il va sortir un nouvel album. Probablement. Et je vous passe un petit extrait, c'est Oh My God de Alec Benjamin. Voilà, Oh My God de Alec Benjamin, qui est sorti le 13 février. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je ne l'avais pas vu la semaine dernière, en l'occurrence. Et vraiment, très très bonne chanson, très bonne musique. Et j'adore Alec Benjamin, donc j'écoute tout le temps, en fait. C'est-à-dire on attend la suite, ouais. Voilà, j'attends le nouvel album avec impatience. Je vous recommande vraiment. Et le bouton replay de Juliette, elle n'est pas là, mais c'est pas grave parce que ça tombe bien, c'est la même musique que celle qu'on va passer tout à l'heure dans une demi-heure, donc soyez là, restez avec nous. Merci pour vos boutons replay, l'équipe, à réécouter si vous voulez, ceux qui nous écoutent en podcast dès ce soir, si vous voulez retrouver une info. Je vous propose de commencer à parler gastronomie. Après la première pause musicale de contre-soirée, mettez-vous bien pendant ces 3 minutes, prenez un café chez vous, prenez une glace, pourquoi pas, même si on est en février. Voilà, mettez vos écouteurs, montez le son en voiture ou chez vous, c'est contre-soirée, émission jeune et participative, rendez-vous dans 3 minutes. When you get older, plain or saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, 'cause I don't know how. Let's pray. To honor things I've lost on you. Oh. expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. Then you're still mine. LP avec Lost on You en version acoustique. Et ça se passe sur Radio Présence. Bienvenue ou re-bienvenue dans Contre-Soirée. Pour nous écrire pendant le vif du sujet, 07 68 37 17 18, c'est l'unique numéro. Vous pouvez envoyer des messages aussi sur nos réseaux sociaux, @CTRSoirée. Contre-Soirée, l'émission culturelle de la génération, le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc la nourriture, la bonne bouffe, la gastronomie, ça dépend comment on l'appelle, et surtout notre rapport générationnel à la cuisine, au fait de manger, de se réunir, la présence de l'alimentation dans la culture aussi, dans les films, les pubs, les réseaux sociaux, sur internet. Qu'est-ce que ça engendre comme usage, comme phénomène, comme communauté? Et je propose qu'on commence peut-être par toi, Myriam. Tu peux nous parler d'un phénomène assez qui représente assez bien notre génération, peut-être le rapport entre photos et nourriture, enfin le fait qu'on mette beaucoup de choses de notre nourriture sur internet, les photos qu'on met sur les réseaux, etc., ou le fait de prendre en photo de la nourriture tout simplement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors, je peux vous dire que déjà, de prendre, de décider de montrer des images de nourriture, ça n'a pas commencé avec notre génération et avec la photo. Mmh. Mais rapidement, voilà, ça a commencé avec les natures mortes, environ en 1700, et ensuite ça a continué, où il y avait un peu plus de... où on montrait la nourriture, parce qu'il y avait aussi, il y a eu une révolution de l'alimentation, de la manière dont on s'alimente à ce moment-là à peu près. Mmh. Et ensuite, oui, on montrait des scènes de vie quotidienne, par exemple, je sais pas, des photos où on écosse les petits pois ou des trucs comme ça. Et donc c'est des scènes qui sont super bien représentées, où il y a un art en fait à composer la scène de nature morte. Aujourd'hui, la photo sur internet, c'est aussi un art, pour certains en tout cas. Il y en a qui s'y débrouillent bien, mais vous êtes peut-être rendu compte que prendre une belle photo de la nourriture, c'est vraiment pas facile. Mmh. Il y a déjà des gens qui deviennent connus parce qu'ils font des photos très moches ou dégoûtantes. Ah, c'est-à-dire, oui, même de plats qui sont très bien dressés, il y a des gens qui s'y prennent mal. donc vous pouvez vous faire conseiller. Et est-ce que autour de la table, là, vous prenez des photos de votre nourriture? Non. Toi, m'as dit non, jamais. Moi, je trouve ça très kitsch, surtout dans un restaurant, de voir des flashs crépiter comme ça. Ouais. Enfin, mais je respecte, hein. Mais oui, je parce le que ferai je pas. Sais que ça se fait beaucoup, mais. Ouais. Ça se fait énormément. Josué, toi, tu le fais? Ah non, moi, je trouve ça bête. C'est un des rares trucs qui sont un bête, peu... carrément. Le mot est lâché. Ah non, je juge. Hein. Ouh, désolé, je vous juge, mais je suis désolé. Moi, je ne vois. Je suis certain qu'un plat est beau de temps en temps. Il y a des fois, un plat est beau. Le problème, c'est que le phénomène dégénère. Je ne veux pas voir votre plat de pâte carbonara que vous avez fait chez vous. Et en l'occurrence, vous prenez pour... Enfin, je suis désolé, hein, vraiment. Non, vraiment, là, je juge, hein, c'est pas bien du tout. Hein. Mais le problème, c'est que ça a dégénéré comme tous les mouvements. Au départ, c'était un truc vraiment bien parce que ça mettait en valeur des plats qui étaient bien faits, qui étaient beaux, qui étaient vraiment beaux à voir. Et des plats beaux à voir, c'est comme un beau tableau voilà, comme disait Myriam, enfin je veux dire c'est beau, mais après ça a un petit peu dégénéré. Mais je trouve quand même il y a un point positif, c'est que, et enfin un point positif qui est quand même pas mineur, et c'est pour ça que je le dis aussi, c'est qu'il y a ce côté partage qui est positif. On en avait parlé dans notre émission sur les réseaux sociaux. Ce côté partage est positif dans le sens où il va y avoir, je lis les commentaires de temps en temps de ces photos pour voir qu'est-ce qui se dit sur ces photos, des gros influenceurs pour qu'il y ait beaucoup de commentaires. Et les commentaires sont positifs. Il y a ce côté, ah moi j'ai cuisiné ça, ah ouais mais c'est quoi la recette de ça. Il y a quand même un partage. Il y a tout un partage de recettes, de choses. Après il y a des conseils de site, des conseils de... Et ça je trouve ça bien, parce qu'il y a ce côté où comment faire ça, comment faire le plat qu'on a vu sur la photo, qu'on a trouvé beau et qui a l'air vraiment bon, puisque l'image d'un plat et sa définition, ça aide beaucoup. Donc voilà. Après certains vont dire c'est aussi pas mal de remettre la nourriture, qui est quelque chose que de qu'on consomme tous les jours, oui, à l'honneur, et du coup de revenir au rapport au corps, et que finalement sur la toile on retrouve aussi ce rapport au corps et à des trucs très concrets. Après effectivement de temps en temps, moi je trouve aussi que ça peut être un peu obsessionnel chez certains. Ouais. Bon, après, c'est pas non plus un truc prouvé, mais il y a certains articles qui disent « Oh là là, ça devient une obsession, vous allez être malade. Oui. » Il faut pas forcément exagérer. Mais ça, en tout cas, des gens qui ont des troubles alimentaires, ça peut éventuellement gêner, peut-être. Mais, ça reste quand même valoriser la nourriture. Et moi, c'est vrai que, par exemple, sur Marmiton, une belle photo d'un plat va me donner envie. C'est ça. Le coup. Oui, c'est fait aussi pour ça. Et puis en fait, il y a des métiers. Alors honnêtement, j'ai découvert aujourd'hui styliste culinaire, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment un métier où les personnes vont mettre en scène le plat. Il leur manque peut-être de la nourriture pour que ça fasse un volume suffisant pour la photo. Il faut que la lumière soit bonne. Enfin, c'est un métier. Je suis sûr que tu dois la mettre dans une petite chambre, tu sais, avec des éclairages spéciaux, etc. Et justement, on parle des réseaux sociaux, et d'Internet en général. Est-ce que vous cuisinez beaucoup avec Internet? Est-ce que vous regardez beaucoup de recettes sur le web? Mehdi, est-ce que ça t'aide? Ouais, énormément. Ouais. En fait, comme tu l'as dit dans ta description, en un clic, t'as une recette. Donc, t'as plusieurs recettes et même t'en as trop, en fait. Tu sais pas laquelle choisir. Exactement, ouais. Faut pouvoir choisir. Mais vaut mieux l'accès à la connaissance qu'autre chose. Donc, on a beaucoup d'informations et ça démocratise la cuisine, hein. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ça c'est cool. Moi je sais que ça peut m'inspirer, mais en général j'ai jamais tous les ingrédients. Du coup, j'invente après. Je fais ça c'est bien. Allez, je rajoute ça. Et après, le reste, c'est histoire de me donner une petite idée. Et puis après, en général, moi je crée un peu quand même. Enfin, je crée. Je suis pas une artiste non plus. Mais tu vois, je me dis, allez, on fait comme ça. On mettra des petites photos des créations de Myriam sur nos réseaux. Et tu nous parlais en préparant l'émission, que toi, tu as été en Côte d'Ivoire. C'est vrai. C'est vrai. Et il paraît que là-bas, on ne parle pas en mangeant. Non. Et ça t'a surpris? On ne parle pas du tout. Ouais. Pourquoi ça t'a surpris? Parce que, parce qu'on est en France, on parle en mangeant, ouais, mais c'est connaissez. Quoi qui t'a le plus... Vous connaissez à table, en France, on discute, on échange, on fait d'ailleurs des repas d'entreprise où on négocie des trucs. En tout cas, en Europe, ça fonctionne quand même, je pense, assez comme ça. Et j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis la seule européenne d'origine. Et on se met à table et moi, à table, je lance des conversations. Et là, ça tombait vraiment à l'eau, quoi. C'était oui. Ouais. Et puis l'autre, il se reconcentrait sur son poisson. Je fais d'accord. Et puis en fait, tu finis par comprendre que l'essentiel n'est peut-être pas dans la discussion, effectivement, puisque tu es là pour manger d'abord. Il prête plus d'attention à ce qu'il mange, peut-être. Voilà, on prête l'attention à ce qu'on mange. Du coup, tu goûtes aussi ta nourriture un petit peu mieux, peut-être. T'es moins pollué par tout le reste de ta conversation, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on restait pas à table de temps en temps avec un café ou un truc à la fin pour discuter. Tu sentais que c'était solennel comme moment? Mais non, je pense que c'est juste... C'est juste normal, quotidien. C'est juste normal, en fait, on parle pas. En fait, c'est tout, c'est pas... D'accord. À la limite, on parle du plat, genre merci, c'était impossible. Bon, mais c'est pas une discussion. D'accord. D'ailleurs, il y a quand même moins de grandes discussions. Enfin... avec un rythme aussi dense qu'en France, c'est pas ça. Et puis, ce qui m'a marqué, moi, c'est que quand Alice est venue, une de mes amies est arrivée en Côte d'Ivoire 6 mois après moi, elle a été vraiment choquée. Mais à table, en fait, c'est hyper glauque. Non, en fait, c'est juste l'habitude du pays, tu vois. Tu vas t'y faire, et t'es là, non, mais ça m'angoisse, et tout. T'imagines si... Et c'est vrai que je me suis rappelé qu'au début, ça m'avait aussi un peu troublé, quoi. Et quand les Ivoiriens doivent venir en France, ils doivent trouver ça vraiment bizarre. Ouais, au contraire, vraiment, genre, l'horreur. Peut-être même pire pour eux. L'horreur, les acouphènes. C'est ça. Ah, mais les gens parlent. C'est vrai que je l'avais pas trop demandé, mais c'était vraiment intéressant. C'est bien aussi de voir autre chose, et puis de s'habituer à autre chose. Alors, de la Côte d'Ivoire, on va aller en Corée du Sud pour un phénomène. Exactement. Qui est quand même ça fait vraiment abusé. Vous connaissez, en fait, il y a sur YouTube, ça... Il y a des vidéos qui pullulent, par exemple des tutos make-up, etc., etc. Des vidéos de chats. Des vidéos de chats aussi. Des vidéos de voyage, de voyeurisme, enfin, caméra embarquée. Des vidéos de chiens. De chiens aussi. De cheval. De chevaux aussi. Toutes sortes d'oiseaux aussi. Exactement. Voilà, bref. Et moi, à mon insu, une fois, je connaissais pas du tout le nom de ce phénomène, mais je suis tombé sur quelqu'un qui mangeait. Qui mangeait dans sa plus grande splendeur, avec les bruits, avec les images, avec les couleurs, avec la bave, avec tout ce qui s'ensuit. Et en très gros plan. En plan fixe et en plus avec des micros. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le mukbang. C'est une sorte de ça. Exactement. C'est une sorte de communion virtuelle alimentaire qui est née où ? Qui a pris naissance où ? En Corée du Sud. C'est un phénomène très important à tel point que le gouvernement sud-coréen tente de le réguler. Pourquoi ? Parce que ça incite. Par la loi, parce que d'accord. Ça incite justement à l'obésité dans ce pays qui connaît un fort taux de personnes en surpoids. Ouais. Faites du sport. Parce hein. que c'est un pays industrialisé. Ouais, et ou alors ne faites pas... Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le principe en fait de cette vidéo, de ces youtubeurs en fait qui se filment en mangeant, c'est de manger des quantités énormes hein, alimentaires en fait. Peut-être l'ordre de 6 kilos par repas. Comme kilos. Ça. Alors oui, 200 grammes de viande, ça suffit. C'est énorme, mais même moi, je suis choqué en aussi. Fait par la masse, par l'envergure en fait de tout ce qu'ils mangent. Alors sûrement, ça doit être entrecoupé, ils doivent s'y reprendre à plusieurs fois. Il y a des vidéos qui durent fou une heure ou pas. Ils effectivement. Vont chatouiller le gosier avec une plume entre deux, c'est ça. Alors les plus gros j'en en fait bien. Pourvoyeurs de ces vidéos. Ont des millions d'abonnés. Ah. Alors, il y en a pour tous les goûts. Hein. Par exemple, Momitang. Momitang, en fait, c'est une maman qui a 4 enfants et qui est végane. Et elle présente, en fait, des plats asiatiques véganes. Il y a aussi Kemi qui mange de la junk et de la comfort food. Vous savez, les hamburgers, oh, les trucs chez nous et tout, bien six gras. De bouffe comme ça. Exactement. Oh, tu version... Tu 3 fois, là. ASMR, en fait, c'est... Et Grégoire, ouais. Pardon, Grégoire. Ça y est, mon surnom est révélé. Vous ne le saviez pas, mais en fait, on m'appelle Grégouze. ASMR, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu connais le sigle ou pas ? Non, je connais pas bon, le c'est sigle. C'est pas grave, mais dis ce que c'est, raconte ce que c'est. Alors, je pense que c'est un micro ultra sensible. Ah oui, tu penses ? Oui, en général, c'est ça, c'est un micro. Ouais. C'est des gens qui achètent un micro très sensible et qui parlent très proche du micro, qui font des bruits avec leur bouche ou alors avec des objets ou qui grattent le micro ou qui frottent le micro. Enfin, c'est vraiment un phénomène sur Internet qui est né il y a quelques années, qu'on peut qualifier de étrange à premier abord ou même définitivement. Mais voilà, apparemment, il y a des gens qui en vivent, j'imagine, parce qu'il y a des vidéos très vachement regardées. Et là, c'est avec la nourriture, alors. Et là, c'est avec la nourriture. Alors, vous savez, toutes les personnes, en fait, qui supportent pas le bruit, en fait, de mâchoires, en fait, qu'on mange. Ouais, qui sont un peu sensibles à ça. Exactement. Faut pas y aller. Incriminer ces personnes-là, parce que c'est peut-être une maladie, c'est de la misophonie, en fait, littéralement, la haine du son. Mais par extension, en fait, c'est par rapport au bruit alimentaire. Donc, moi, je dis ça juste pour ça. C'est déjà, en fait, connaître pour mieux résoudre. Mmh. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui les personnes qui sont dans l'excès vis-à-vis de ça, peut-être les renseigner pour qu'elles puissent se guérir. Ou ouais, voilà. Peut-être. Ouais. Exactement. Et je voudrais en terminer avec ce phénomène, mais de façon plus sérieuse. Parce que vous savez, en Corée du Sud, c'est un pays ultra numérisé, mais comme pour nous, dans lequel en fait le repas, c'est traditionnel et on le prend en famille. Mais dans cette société ultra industrialisée, les personnes, quand elles partent de chez elles, vivent de plus en plus seules et donc... par extension, mange aussi seul. Et on peut y voir à travers ce phénomène un partage, en fait. Une sorte de communion entre les abonnés, entre eux, parce qu'ils peuvent donner de l'argent aux youtubeurs en direct, ils peuvent communiquer en direct avec ces youtubeurs. Et Et voilà, ça en dit long gros phénomène qui a su en fait s'étendre au-delà même des frontières sud-coréennes, aux États-Unis. En France, vous tapez. Moi, j'ai banalement en fait. Un Français qui fait ça et... J'ai pas cherché, mais vous pouvez chercher juste sur Google, sur votre barre de recherche, YouTuber qui mange devant la caméra, et vous allez trouver un panel incroyable de vidéos et de YouTubers. Il faut vraiment te sentir. Moi, je me dis, ils se sentent vraiment seuls, quoi. Alors, je veux pas juger. Un jugement. Je me dis qu'ils se sentent seuls. Peut-être que c'est peut-être pas le cas. Sûrement. Parce qu'en Corée du Sud, ou même je fais le parallèle en France, c'est peut-être mal vu aussi d'aller manger seul dans les restaurants. Beaucoup de personnes ne prennent pas ce courage en fait à deux mains d'y aller seules. Donc, elles préfèrent manger chez elles. Et pourquoi pas manger avec des personnes de façon virtuelle. C'est aussi c'est une lubie comme tant d'autres. Faut l'accepter. On a déjà eu des... Il y a plein de phénomènes qui se passent avec des gens tout seuls devant leur caméra sur Internet. C'est ça. Et c'est pas forcément des gens qui se sentent seuls. Mais c'est vrai que ça pose question, parce que on rentre vraiment dans des pratiques hybrides entre la vie hors virtuelle et la vie sur Internet. Je me dis que s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Et vu que cette offre, elle est pérenne, c'est que la demande, elle est là. Ouais. Et il y a des gens qui en vivent. Ils gagnent 6 000 euros par mois. Il y a sûrement un truc dans la culture aussi j'aimerais bien aller voir pourquoi, en fait, dans cette culture, ça marche. Tu sais que les vidéos ASMR là, dont tu parlais, les youtubeurs, et là on parle de youtubeurs français, américains, et l'ASMR, ça se En vivent très bien, c'est ça que tu. En vivent vraiment, vraiment bien. Quoi. Au-delà de l'ordre du millionnaire. Quoi. Donc, ASMR, c'est. J'ai retrouvé donc le sigle, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Donc, c'est un terme. Une nouvelle fois, l'accent. Avant d'en terminer avec notre discussion, je veux aborder rapidement deux petits sujets. La restauration rapide et le fait de commander à manger. J'ai l'impression que c'est aussi deux phénomènes qui se passent beaucoup dans nos sociétés et beaucoup dans nos générations, nous qui sommes jeunes et fringants. Est-ce que vous commandez à manger? Est-ce que vous consommez de la junk food, ce genre de trucs? Josué, c'est quoi ta vie là-dessus? Je consomme. Je mange souvent fast-food, mais quand je dis souvent, c'est... quand même souvent, en vrai, quand j'y pense, là, je vais dire le chiffre. En vrai, c'est 2 à 3 fois par semaine, c'est énorme. Ah ouais. Voilà, c'est énorme. Relativement énorme. Sachant qu'il y a encore plus énorme, mais... Oui, il y a beaucoup plus. Mais regardez Super Size Me, le film de je sais plus quel réalisateur, avec où il mange tout pendant 30 jours, matin, midi et soir, au McDonald's. C'est vraiment un plaisir. Et toi, donc? Et est-ce que tu manges ça? Est-ce que tu commandes la nourriture aussi? Non, parce qu'il y a quand même un problème... dans la commande de la nourriture, je sais que beaucoup le font. Bah oui, beaucoup le font, c'est mais pour ça que. Parce que les tarifs sont quand même beaucoup plus. C'est vrai que c'est cher. Ça s'abaisse. Mais bon, prenons un exemple. Un McDo va coûter, si vous mangez bien, un McDo va coûter 8,50€. Ok. Pour un menu Maxi Best Of. Je connais bien du coup. maintenant, prenez un menu Maxi Best Of avec Uber ou Deliveroo. Ça va vous coûter 15€. Et oui, parce qu'il y a le prix de la commande en plus. Donc voilà. 14 ou 15€, c'est pas forcément idéal, même si j'apprécierais des fois me faire livrer. J'avoue que j'apprécierais. Les autres, rapidement, comment vous abordez ce pan-là de 2020? Alors moi, pour rebondir avec Josué et tout, moi je suis un gros consommateur de junk food, enfin ouais, mais de la junk food faite maison. Alors il y a une adresse à Toulouse, c'est Burger à la Une. Ah oui, mais ça c'est trop bon. Voilà, donc pour 10€, vous pouvez manger des hamburgers avec de la viande, du fromage, de la raclette, des frites à la graisse de canard. C'est qualitatif, c'est fait maison. Ouais. Donc moi j'ai arrêté McDonald's, j'ai arrêté Burger King, parce que pour le même prix, je peux avoir du fait maison et du fait maison de qualité. En fait, moi j'étais déçu. De la junk food, t'inquiète, tu me demandes classique entre guillemets, et effectivement ces restos là ça me rejoint, et par contre pas non plus de commandes. Et Coraline, rapidement pour terminer. Ouais, donc tant qu'on parlait justement de se faire livrer et tout ça, je vous conseille un site internet qui s'appelle eFood Student, et vous renvoie sur plein de restos, mais il y a des réductions justement pour les étudiants. Pour les étudiants. Et donc on peut se faire livrer les repas, et on peut avoir par exemple un poulet rôti, quoi. Donc ça peut changer du McDo, du Burger King, etc. Quoi. Donc eFood Student. Exactement. Ils nous ont payé pour qu'on dise ça ou pas? Du tout. Ils peuvent, ils savent. N'hésitez pas, sur nos réseaux, vous nous trouvez par mail

fièrement, c'est pas quelque chose qu'on fait. Quel est le rapport entre notre alimentation et notre identité? Pourquoi est-ce que les Bretons ne jurent que par le beurre salé et on a l'impression qu'ils en sont fiers, ce genre de choses. Donc on essaie vraiment de mélanger en fait des questions sociétales et culturelles à la nourriture. Donc c'est le but du podcast, c'est effectivement de mélanger ces thèmes-là. Dans Contre-soirée, nous, on parle de nous, les vingtenaires, les trentenaires. Est-ce que tu vois des grands courants se dessiner dans les habitudes alimentaires de nous, la jeunesse, très globalement? Bah, je pense que la chose la plus visible, c'est peut-être le fait qu'on voit beaucoup plus, je pense, la nourriture qu'avant. On est tous maintenant sur Instagram, sur Twitter, etc. Et il n'y a pas une journée sans qu'on voit des images de nourriture. Je pense que c'est devenu, en tout cas c'est ce qu'on a constaté au cours aussi des épisodes, c'est devenu vraiment un marqueur en fait d'identité et même de classe sociale. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui permet d'affirmer son identité, de montrer qui l'on est et même d'où l'on vient et où l'on va. Et c'est via l'alimentation, via ce qu'on mange, qu'on peut le faire assez facilement. En fait, si je prends en photo un plat de pâtes au lardon, bah ce sera pas la même chose que si je prends en photo des huîtres. Ça renverra pas le même message en fait. Et justement, une question sur la façon dont on s'alimente et le rapport aux autres. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui encore à manger sans rien faire d'autre à côté? Je me dis, alors moi le premier, et puis je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on a le smartphone, on a la série, on écoute de la musique ou on écoute un podcast. Moi, quand je mange seul, je mange plus jamais seul sans rien écouter, je m'en rends compte. Donc est-ce qu'on arrive toujours à manger sans rien faire d'autre à côté? Bah, je crois qu'en fait, ça a toujours été compliqué de manger sans rien faire d'autre. Il suffit de voir un peu l'imagerie vintage. Quand les gens s'asseyaient tout seuls pour déjeuner dans une brasserie, il y avait le journal, ou alors on écoute la radio, ou ensuite il y a eu la télé, etc. Je pense que le fait de manger seul sans rien faire, en tout cas quand on est tout seul, je sais pas si ça a vraiment existé à un moment. C'est vrai, ça. Je sais que dans l'épisode qu'on a tourné justement, qui était pourquoi est-ce qu'on a honte de manger seul et pourquoi on est un peu stressé à l'idée de manger seul, il y avait Jean-Sébastien Philippard qui est prof de philo en Belgique. Qui expliquait un peu pourquoi, enfin d'où ça venait. Et en fait, c'est très ancien, cette envie de vouloir meubler le vide. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la table, il voyait ça comme un dispositif social. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on est censé faire tout seul. C'est un espace qui rassemble, qui est censé être partagé. Et celui qui mange tout seul, c'est un peu celui qui veut se couper du monde et de la société. Donc soit on a pitié pour lui, soit on veut lui faire comprendre que c'est pas terrible et on lui jette des regards noirs en disant « Ok, c'est bizarre ce que t'es en train de faire ». Donc je pense qu'en fait, on a toujours essayé de, en tout cas quand on est tout seul, de combler un peu le vide parce que la table, elle est censée être occupée par des gens et pas être... on n'est pas censé le faire tout seul, quoi. Donc c'est ça, même quand on est tout seul, on a quelque chose qui vient combler. Et est-ce qu'on arrive toujours, pour les personnes qui sont seules, je pense à beaucoup de gens de nos âges très globalement qui vivent seuls, parfois quittent la maison des parents et vivent seuls pour la première fois, ils sont peut-être en coloc ou ils vivent avec le copain, la copine, mais est-ce qu'on aime toujours manger ensemble à plusieurs et se réunir? Alors tu parlais d'un épisode, il y a eu un épisode d'ailleurs de manger sur le fait de se réunir autour de la table. La commensalité. Ouais. Ouais. Justement, ça s'appelle la commensalité. Commensalité. C'est un mot qui a l'air un peu compliqué comme ça. Oui. Mais c'est vraiment l'idée de partager, en fait, de partager le repas et de se réunir autour d'une table et de partager non seulement de la nourriture, mais aussi des moments sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important, surtout dans nos cultures françaises, où quand même le repas, c'est quelque chose qui structure la journée et c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour s'alimenter. D'ailleurs, même d'un point de vue sémantique, on différenciait dans la Grèce antique le fait de s'alimenter, où c'est vraiment quelque chose de nutritionnel, le fait de manger, où là c'était vraiment partager en fait. Manger, d'accord, c'était partager. Et je pense que c'est quelque chose qui culturellement est resté et que quand on a la possibilité de le faire, on essaye de manger ensemble. Moi, je sais que je bosse dans un bureau un peu en open space où on a tous des activités différentes. Au moment où je vais chercher mon petit sandwich à midi, je propose toujours aux gens qui veulent m'accompagner, qui veulent prendre un sandwich, « Ah, moi, je vais à tel endroit, etc. » Et au final, on part tous ensemble et on se retrouve autour de la table basse et on mange ensemble, même si il y en a un qui mange en 10 minutes, l'autre en une demi-heure ou l'autre, il n'est pas là. on essaye quand même de partager ce moment-là parce que, en fait, ça nous serait trop bizarre de manger notre sandwich triangle devant un ordi tout seul et que tout le monde soit en train de manger dans son coin. Ce serait bizarre. Ce serait bizarre. On a besoin de partager des choses. Ça ressemblerait juste à, voilà, au fait de s'alimenter, quoi. Ce serait juste nutritionnel. Ouais, et c'est pas dramatique, je pense, de manger tout seul. On le fait tous. On n'est pas toujours dans des grands dîners avec 50 personnes. Mais quand il y a d'autres personnes autour, on a quand même tendance, il me semble, hein, même chez les jeunes ou les ados, on a quand même tendance à vouloir le faire ensemble. Et on parle du fait de se réunir. Est-ce que tu peux donner aussi ton avis sur le côté le fait de commander de la nourriture, ou alors on en parlait juste avant avec les chroniqueurs et chroniqueuses de la junk food, enfin tous les nouveaux usages un peu qui sont devenus vraiment massifs au niveau des chiffres, quoi, des statistiques. Le fait de commander de la nourriture en particulier, ça m'a toujours impressionné en termes de chiffres, quoi, et le fait de voir des vélos partout en ville avec la livraison de pizza derrière ou d'autres choses. Je pense que après je m'avance peut-être en faisant de la sociologie de l'histoire de comptoir. Il y a pas de souci. Mais je pense que déjà on a quand même moins le temps de travailler dans les milieux urbains, de cuisiner milieux urbains. C'est-à-dire que pour cuisiner, il faut faire des courses. Ensuite, il faut faire cuire ses aliments, il faut à peu près les présenter dans son assiette, il faut se la servir. J'ai l'impression, sensation, que cet effort, on est capable de le faire pour des gens, mais qu'on a de plus en plus de mal à le faire pour soi. C'est-à-dire qu'on se dit, l'effort, l'énergie, l'attention, les émotions que je mets dans la cuisine, dans le fait de cuisiner, prendre le temps, etc., c'est un truc que j'ai hyper envie de faire pour un dîner, pour recevoir des potes, même si c'est juste un apéro, on est là, on tartine un peu de tarama sur un bout de pain. Mais si on est tout seul, du coup, ça retombe un peu à plat et ça nous renvoie au fait que, au final, on va quand même manger tout seul. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que le fait de commander à manger, ça supprime le fait de cuisiner tout seul et du coup d'être un peu triste à l'idée de se dire qu'on va manger tout seul. Ça permet de se dire, je veux manger un truc. Déjà, on peut manger différent et exotique tous les soirs si on a envie. C'est vrai. Donc, y a un truc très pratique là-dedans. Et surtout, ça arrive, c'est tout chaud, c'est prêt. Ça dédramatise un peu la situation. C'est livré en bas de notre porte. Enfin, ça résout un peu tous les problèmes. Tous les problèmes qui est que, enfin, qui est pas vraiment un problème, mais le fait que, de se retrouver seul. Encore à manger, de manger tout seul quand on est étudiant, etc., où on n'est pas forcément, on n'habite pas forcément toujours avec quelqu'un, où ils sont pas toujours là, on n'est pas toujours en couple avec quelqu'un. Quitte à manger tout seul, autant soit aller chercher un truc en bas, ce que beaucoup de gens font, soit on mange un truc tout prêt, a acheté tout prêt, soit on commande quelque chose. Pour moi, c'est un peu le même cercle, en fait. De dire je vais aller chercher une pizza en bas de chez moi ou la commander, c'est un peu l'idée de se dire quelqu'un d'autre a cuisiné pour moi et je me suis pas cuisiné mon truc tout seul, qui me renvoie au fait que là tout de suite socialement ma vie est à zéro. Une question de Josué, un chroniqueur. Ce que tu dis sur la nourriture déjà faite, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de cuisiner pour manger bien? Et quand je dis cuisiner, je dis vraiment cuisiner, parce que moi je prépare mes plats tout prêts, mais c'est pas cuisiner. Donc est-ce que cuisiner c'est nécessaire pour manger bien, ou est-ce que justement ce concept de pas forcément cuisiner peut très bien impliquer de manger bien aussi? Franchement, je pense qu'on peut après, c'est quelle est la notion en fait de manger bien? Est-ce que manger bien c'est manger 5 fruits et légumes par jour, boire 2 litres d'eau et se coucher à 22h et faire du sport? Ou est-ce que c'est, effectivement, le midi, on a mangé un burger et c'est pas dramatique, et le soir, on se fait une soupe parce qu'on n'a pas très faim? Je pense que la notion du manger bien, déjà, elle a énormément changé au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies. Il y a eu l'industrialisation, socialement, ça c'est plus la même chose, et on n'est pas obligé de manger du quinoa tous les jours et de l'avocat pour manger bien. C'est vrai. Ce que nous disent les experts qu'on a et qu'on interroge dans manger, c'est qu'en réalité, l'équilibre nutritionnel, il se fait pas sur un repas, il se fait plus sur un laps de temps beaucoup plus long, une semaine, un mois, Si de manière régulière, on mange des légumes frais, des fruits, et que de temps en temps, on craque un peu, c'est pas dramatique. Du coup, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de cuisiner pour manger bien. Il faut plus réfléchir à quel est son équilibre alimentaire de manière générale. Si de temps en temps on se fait des petits Deliveroo, pas citer une seule marque, donc Deliveroo ou Uber Eats, voilà, comme ça c'est fait. Et ben en fait c'est pas très grave si de temps en temps on s'est acheté une salade et qu'on se la prépare vite fait. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps en fait dans sa cuisine, je pense, pour bien manger. Pour bien manger, il y a pas trop de stress à se mettre là-dessus, à mon avis. Une dernière question très rapidement, en 30 secondes, on va arriver à la fin, mais moi je veux absolument te demander comment déjà on fait. Déjà, oui, c'est fou, c'est la radio, c'est pas le podcast, malheureusement, on n'a pas tout le temps. Comment on fait pour parler de nourriture à la radio? Je me suis demandé, voilà, toi tu animes un podcast qui s'appelle Manger, il y en a d'autres aussi. Ouais. Comment on fait pour rendre ce côté. On n'a ni l'odorat, ni le goût, ni la vue pour le coup. Eh bien, pour le coup, on se base beaucoup sur. Alors, ça dépend. Parfois, ce sont vraiment que des experts qui nous expliquent quelque chose, qui répondent à une question. Et puis, des fois, on mélange des histoires personnelles de gens. Par exemple, là, ce matin, il y a le nouvel épisode de Manger qui est sorti, où on s'est intéressé au rapport entre la mémoire et la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on. La Madeleine de Proust, en fait. Pourquoi est-ce que quand on sent un aliment que nous préparait notre grand-mère, etc., ça nous replonge comme ça dans le passé? Eh bien, en fait, c'est illustré par le témoignage. D'une femme de 25 ans qui est pas du tout experte et qui nous parle de ses émotions, de ce qu'elle ressent, elle nous décrit la scène, on est à fond dedans. Ouais. Et puis en balance, on a en face une experte qui est chercheuse et qui est justement spécialisée dans les questions de mémoire, elle est neuroscientifique et elle nous dit bah voilà, en fait dans notre cerveau quand on sent une odeur, ça se passe comme ci, comme ça. Ouais, donc c'est pour elle ça que décrit, les odeurs quoi. Nous rappellent plus les choses. Ouais, et du coup ça mélange vraiment le côté histoire personnelle auquel on peut se rattacher parce qu'on mange tous. Donc c'est quelque chose qui nous parle à tous, même ceux qui n'aiment pas trop manger, ils sont obligés quand même de le faire. Et en même temps, une histoire où on va socialiser et on va dire intellectualiser le fait que la nourriture, c'est pas juste de la bonne bouffe, c'est aussi plein de comportements sociaux hyper intéressants à analyser. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Lauriane. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver là pour nos auditeurs du Sud-Ouest, entre autres? Alors, moi, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais mon préféré, c'est Instagram. Mon nom, c'est @Lauriane, avec deux N, M-E. Et voilà, je suis sur Instagram, Twitter, etc. Et Manger est disponible sur absolument toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, SoundCloud, Podcast. Vous tapez Manger dans la barre de recherche et vous allez tomber dessus. Manger ou Manger podcast. Et bien, bon courage à toi pour la suite des épisodes et merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous alimenter et de boire de l'eau. Bien sûr, on va le faire, on pensera à toi. Lauriane Meulière du podcast Manger de Louis Média, ça dure 30 ou 40 minutes par épisode et c'est très instructif, très agréable à écouter. Je vous les recommande vraiment. Il est temps pour nous de clôturer cette contre-soirée. Contre-soirée, l'émission culturelle de la génération. Les recommandations. Les recommandations. Josie, nous refait le jingle, vas-y. Oui, les recommandations. Joli, joli, joli. Il y a tout un... Donc toi, tu nous parles d'un film français quand tu es sérieux, quand tu ne refais pas les jingles. Ouais, tu quand fais je une suis recommandation. Sérieux, je parle d'un film français et je vais être honnête avec vous. Mm-hmm. Les films français, tu ils ont du vu. Mal à imiter. Non, et oh, hein. Ça va là, le jugement. Je le sentais là. Ils ont du mal à imiter les films américains sur des thématiques comme un enlèvement, un thriller d'action avec les forces spéciales, vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est la première fois que je vois un film français qui réussit à faire un truc bien. Pas qu'il fasse imiter les Américains pour que ce soit bien. Qu'il faille, merci de m'apprendre à parler français alors que je devrais savoir. Pas qu'il faille que imiter les Américains pour ça. Pour faire un bon film. Mais ils sont quand même doués, faut le dire. Et ben là, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Force Spéciale, qui est un film français. Et bon, je vous fais les pitchs. Une journaliste française, reporter dans un pays dangereux en Afrique du Nord, où les terroristes où les talibans font rage. Elle est enlevée par les talibans et l'armée, les forces spéciales doivent la récupérer. Donc c'est un thriller. C'est vraiment, vraiment un super film. J'ai adoré. Vraiment. Hyper intéressant et un bon film d'action, quoi. Et c'est divertissant et j'adore. C'est rare de voir un film français comme ça, donc j'adore. Merci. Donc rendez-vous sur Netflix. Cool. Voilà. Force spéciale. Voilà. Si vous n'avez pas Netflix, tant pis pour vous. Non, en streaming, vous trouverez. Le salon international d'art contemporain. Daer T3F. En fait, c'est au Parc des Expositions de Toulouse. À partir de demain, 28 février, jusqu'à dimanche, 1er mars, en fait, on vous propose une autre vision de l'art contemporain dans laquelle, en fait, on va permettre aux visiteurs de rencontrer les artistes et les galeriéristes. C'est une belle occasion pour voir les futures stars montantes de l'art de demain. les nouvelles pépites. Il y aura un atelier aussi pour les enfants, mais surtout vous pourrez aussi acheter à prix abordable des œuvres d'art contemporaines. Donc c'est pas mal. Moi, pour être allé au musée des abattoirs, ça m'avait bluffé en fait. D'accord. Donc je me suis pas renseigné, excusez-moi, mais à culpa sur les tarifs, mais vous avez toutes les informations en fait sur le site du Parc des Expositions de Toulouse. Super, donc Salon International d'Art Contemporain, Parc des Expos Toulouse, et on termine par toi Myriam. Oui, moi je vais vous parler d'une expérience folle, vraiment c'est fou. J'ai vu en spectacle les 7 doigts de la main. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif qui réunit des circassiens, ce qui veut dire que c'est des gens qui viennent du cirque et qui ont voulu exprimer tout leur art du cirque dans des spectacles, mais qui sont vraiment humains et poétiques. Voilà. Donc, comment s'appelle cette compagnie ? Allez les voir, c'est les 7 doigts de la main et ils tournent régulièrement en Europe. Merci, et ailleurs, c'est joli. Merci pour vos recommandations, tous les trois. Merci à la réalisation, toujours en régie. C'est déjà la fin, et oui. Merci à tous. Merci vous pouvez retrouver tous nos épisodes en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Et aussi, vous pouvez aller écouter le podcast Manger de Lauriane Meulière. Rendez-vous aussi sur notre site pour nous réécouter sur nos réseaux. Contre-soirée, ça revient en direct dans une semaine, jeudi prochain. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.